Daniel, je sais pourquoi, chapitre 15, rencontre avec les hommes. Soudain, nous nous arrêtâmes dans un bien étrange endroit. L'un des huit esprits octa se détacha pour rejoindre un autre groupe d'esprits que je n'avais pas vu et qui travaillait sur de curieuses machines. Il y en avait de toutes sortes et de toutes formes. D'un naturel curieux, je décidai de m'en approcher. Mais rien ne se produisit. Je ne pouvais quitter le cercle octa. J'étais comme enfermé dans un véhicule invisible. C'était plus amusant qu'effrayant. Alors que j'étais immobile, attendant patiemment la suite des choses, l'un des esprits travaillant sur les machines se dirigea vers moi. « Bonjour, Daniel, » me dit-il. « Bonjour, » répondis-je chaleureusement. « Tu sembles me connaître ? Je ne peux en dire autant. » « Oh, mille excuses. Je me nomme David. Je travaille dans un groupe d'élaboration en transcommunication. Nous en sommes à l'étude d'un projet de contact électronique avec un groupe d'incarnés que tu es sur le point de visiter. »« Ah oui, dis-je. Voilà pourquoi nous nous sommes arrêtés ici. »« Oui, » confirma David, « et nous sommes sur le point de régler les derniers détails. » Sur ces mots, l'obscurité de la pièce où nous nous trouvions disparut sous l'éclat d'une forte lumière. M'apparurent alors les détails d'une petite pièce surchargée de matériel de toutes sortes, parsemée de papier en vrac. Nous étions bien sur terre. Je remarquai aussi un homme d'une trentaine d'années. Petit, trapu, il était habillé d'un long maillot blanc et d'un bermuda. Il se tenait le long d'une étagère, un combiné de téléphone à la main. Il semblait sympathique, émancipant autour de lui de bons rayonnements. David me dit « Tu viens de connaître l'un des membres du groupe dont je te parle. »« Oui, comment se nomme-t-il » »« Il se prénomme Jean-Luc. Son nom n'est pas important. »« C'est donc ici que je dois me manifester ?»« Non, non, mais nous te l'expliquerons plus tard. Allez, je dois retourner à l'étude. » C'est ainsi que je rencontrai le premier membre du groupe avec lequel j'allais étudier. Un ensemble de gens qui, semblait-il, étudiaient la transcommunication. L'esprit d'Octa reprit sa place et nous poursuivîmes notre chemin. Au bout d'un moment, nous stoppâmes à nouveau. Là, un esprit inconnu à l'allure sévère nous rejoignit. L'un des esprits Octa se pencha vers moi et me dit « Voici l'esprit Eric, un professeur spirituel qui travaille avec ton médium. Nous allons le suivre. Tu vas connaître Joël, ton médium. » Puis, nous nous retrouvâmes dans une seconde pièce, plongée dans la pénombre. En fait, nous traversions une nuit terrestre. Tout paraissait au premier abord très calme. Je me situais au-dessus d'un lit où dormaient deux personnes dont je ne distinguais pas les traits physiques. Sachant que le sommeil est un moment intense pour l'esprit, je regardais autour de nos dormeurs, espérant trouver la cause de notre halte ici. Je ne remarquais qu'une chambre mal oxygénée, un lit trop mou à en juger les douleurs physiques que je ressentais par télépathie et une quantité excessive de poussière chargeant l'atmosphère d'un risque d'allergie. Par réflexe, je demandai à mon guide ce qu'il devait y avoir d'intéressant là-dedans, oubliant d'une part le fil conducteur de mon approche sur mon travail médiumnique et d'autre part que mon guide n'était pas là avec moi. À sa place se montrait l'esprit d'Eric que je n'avais pas vu m'accompagner. Sa soudaine intervention me fit sursauter, constatant au passage le manque de douceur de cette entité. La surprise passée, je lui demandai où nous étions et ce que je devais comprendre. Il me répondit « Nous nous trouvons dans un appartement aux alentours de Paris où habitent Joël et Laurie, sa compagne. Deux êtres qui ont un rôle important à jouer dans la revue de tes souvenirs. Deux personnes qui, non seulement doivent se soutenir et s'entraider dans l'épreuve de leur vie, mais également préserver le lieu de la rencontre médiumnique. Leur responsabilité est sollicitée. Les résultats sont attendus. Mais tu t'en apercevras par toi-même. » Surpris, je dis « Voici donc le médium, l'homme avec qui je dois écrire. Mais il me semble bien calme, sans aspect particulier. Il n'est donc pas différent de tous les autres individus que j'ai pu voir jusqu'ici. Sait-il au moins ressentir la venue des esprits, comme le faisait si bien l'ami de Marie-Noël, sursautant à mes moindres stimuli? Celui-ci n'est même pas émancipé. Ne juge pas le monde sur des apparences et des comparaisons puériles. Il existe une grande activité spirituelle autour de ces personnes, mais ceci semble t'échapper. » L'esprit Eric était strict, sans fantaisie. Son discours était court, concis, sans aucune sorte de légèreté. Il lui manquait à mon goût la douceur que l'on ne rencontre que chez les guides et en l'occurrence le mien. Cette chose indéfinissable qui calme les pressés, réconforte les faibles et les égarés. Au bout de quelques moments, Éric reprit son enseignement. « Nous nous sommes arrêtés ici pour que tu puisses constater, puis assimiler la spiritualité régnant autour de ce médium et dès lors comprendre le risque du déséquilibre qui peut atteindre tous les intermédiaires à qui nous adressons un travail de sape ou un dégauchissement spirituel. Tu remarqueras que là où nous voulons mettre le plus existe le moins, une des plus grandes difficultés et entraves à notre manifestation sur Terre, une condition de la nature humaine. » Je demandais, toujours autant étonné. Mais la spiritualité de cet homme est fluide. Pour preuve, nous n'y trouvons personne, si ce n'est nous deux. Je ne perçois même pas leurs propres esprits. Ne te méprends pas, disait Éric. Tu ne considères qu'une partie de la spiritualité. Ici même, et à partir d'où tu enverras tes messages, existe la spiritualité de l'étude et des recherches. Les esprits professeurs et les amis de la transcommunication n'y viennent que pour travailler. Le reste du temps, ils laissent Joël et Laurie à leur vie et leurs responsabilités. Mais il n'en est pas de même en d'autres stades de leur spiritualité. Viens avec moi et visitons l'astral terrestre, beaucoup plus proche des envies et des tentations. C'est avec stupeur que je découvris tout autour de nos dormeurs une foule avachie et plaignante, tordus par leur grossièreté et le poids de leurs tendances. Une foule de souvenirs désagréables refirent alors surface en moi. Les esprits s'agglutinaient autour du lit, cherchant à se nourrir, semble-t-il, des effluves fluidiques ou magnétiques qu'ils dégageaient. Quel étrange spectacle ! Il y avait toutes sortes d'esprits, des ivrognes, des drogués, des obsédés par je ne sais quel fantasme, des monstres même, se délectant de cette substance spectrale chargée de toutes les tendances, jouissant de sensations que leur état d'errance ne pouvait plus leur fournir. « Mais c'est horrible, dis-je !» L'esprit d'Éric rajouta. « Remarques-tu le danger ? Un médium et tous ceux qui l'entourent sont sans cesse visités par tous les genres d'entités se délectant de leurs limitations. » Chaque défaut, chaque tendance sont ainsi recherchés et excités par les esprits qui y sont sympathiques. Ceci n'est pas fait par méchanceté, mais par faiblesse et tentation. Tu dois connaître les tendances de ton médium pour mieux les contrecarrer, car elles pourront te gêner dans ton travail. Oh, dis-je, je crois en avoir reconnu une à travers cette ambiance. Mon médium doit aimer la musique. Oui, dit Éric, tout en m'attirant dans un autre endroit. Cet esprit m'emmenait dans un élan grandissant. C'est avec vélocité que nous nous éloignâmes de cette chambre, nous plongeant sans aucune sorte d'hésitation dans un trou noir qui, béant, s'ouvrait devant nous. Au milieu d'une chute, dans une sorte de néant noir et sans limite, je découvris soudain mille couleurs ressemblant à des lambeaux de tissu finissant par se courber à l'infini. Nous vivions une formidable accélération, brutale et déconcertante. Rien à voir avec les envolées angéliques que j'effectuais avec mon guide. Oh non, ici c'était cassant. Sitôt parti, sitôt arrivé. Nous nous arrêtions soudain au bout d'une décélération. Le trou noir nous avait rejetés et disparaissait derrière nous en se repliant sur lui-même, telle une anémone. Je regardais Éric, un peu effrayé, ressentant un sentiment d'agacement. Je voulais connaître les raisons de ce voyage, m'arrachant d'un lieu où je commençais à peine à connaître et comprendre mon médium. Une fois de plus, il me semblait devoir assimiler les choses rapidement, mais il me fallait plus de temps. Pourtant, loin de l'espace terrestre et du temps éreintant, je me sentais bousculée, pressée, pas vraiment soutenue. Éric, toujours impassible, prit la parole. Nous voici maintenant dans l'astral spirituel qui se meut autour du mouvement spirit. Celui-ci est un organe important de la diffusion du spirituel sur le matériel que de grands esprits élaborèrent ici même, au XIXe siècle du temps terrestre. Tu y remarqueras l'évolution du principe spirituel universel que l'homme reçoit de cet astral. Les erreurs que tu pourrais relever, quant aux définitions humaines d'un principe divin, ne seraient que le fruit de fausses optiques, car au-delà de la loi existe l'interprétation du psychisme. L'esprit terrestre s'élève peu à peu, quittant ses langes pour endosser la parure de la maturité. Les métaphores d'Éric étaient claires, son discours s'enfonçait profondément en moi. Son esprit ressemblait davantage à mon intellect. Je ne ressentais pas vis-à-vis de lui cet espace immense qui me séparait du perfectionnement de mon guide. En regardant autour de moi, j'essayais de voir si Octa m'encadrait encore. Non, j'étais bien seule. J'étais dans l'incapacité de me souvenir du moment où ces huit esprits m'avaient quittée. Pris dans ma nouvelle instruction, je n'avais pas remarqué leur éloignement. Cette pensée me rendait plus alerte. En fait, je pris réellement conscience de ma mission et faisais attention à mes actes. Je distinguais une foule innombrable d'esprits qui se dirigeaient vers une incommensurable sphère où tous s'engageaient par d'énormes orifices. Pris dans leur mouvement, nous y pénétrâmes également. L'endroit était si vaste que les limites mêmes de la sphère étaient incertaines. Ce complexe était quadrillé par de multiples étages et endroits tous différents, matérialisés par des filets fluidiques brillants. Dans un va-et-vient permanent, les esprits utilisaient ces endroits pour des tâches que je ne comprenais pas. Quelle effervescence ! Quel déploiement d'énergie ! J'étais surpris par tant d'activités. Bousculée par le déplacement de tout ce monde, je demandais à Eric : « Mais où diable sommes-nous ? » « Nous nous trouvons dans le centre spirituel d'une union spirite, un rassemblement de besogneux proches de Dieu, travaillant à l'ouverture mentale humaine sur la réalité de sa condition dans l'univers. »« C'est impressionnant, je n'avais rien vu de tel. » »« Ce que tu vois n'est qu'une partie de l'édifice, mais ne crois pas à la singularité de cet endroit. » Beaucoup d'autres recherches humaines sont recouvertes de ce genre d'installation, entre autres la science. Mais à côté des machines que j'ai pu voir antérieurement, cela n'a rien à voir. Ici, c'est beau, c'est émouvant. Mais au fait, pourquoi me faire visiter cet endroit ? Pour deux raisons. La première est que ton travail s'insérera totalement dans la recherche spirituelle et éthique des spirites. La deuxième est que tu vas bientôt connaître le groupe d'incarnés avec qui tu travailleras. Oh, pensais-je, très intéressant. Mes compagnons de route étaient alors des travailleurs spirites qui, courageux, ne redoutent pas le ridicule et l'obscurantisme, rétorquant aux railleries d'un monde perdu qu'une vie spirituelle pondérable et mesurable existe. C'est ainsi que nous traversâmes cette étendue pour nous rendre dans une salle du plan terrestre où débattaient plusieurs dizaines de personnes. À tour de rôle, ils prenaient la parole, diffusant ainsi les résultats de leurs études respectives. Cette ambiance était survolée par des esprits qui, pour les uns, venaient de la sphère alors que d'autres y retournaient. Très vite survolée, cette salle laissait place à un autre genre d'endroit. C'était un restaurant où tous nos propagateurs mangeaient. Toujours dirigés par Eric, nous nous rapprochâmes d'une des nombreuses tables où mangeaient une dizaine de personnes. « Vois-tu ces six personnes, là, en bout de table ?»« Oui, naturellement, » répondis-je, tout en reconnaissant l'une d'elles. « Je crois bien que celui-là, c'est Jean-Luc, l'homme des machines. Mais les autres, qui sont-ils ?»« Voici Joël, à gauche, et sa compagne, Laurie, que tu as visitée il y a un instant. Puis je te présente Corinne, la femme de Jean-Luc, que tu ne connais pas, ainsi qu'Antonio et Colette, sa femme, tous membres de ce groupe d'études. » Je les regardais manger avec amour. Je ne pouvais même pas leur serrer la main, ni me présenter ou leur parler de moi. J'aurais voulu les interpeller, mais Eric restait là à mes côtés, sévère et aux aguets. Ils étaient beaux, ingénus, sans entrevoir l'étendue de leur existence, loin des soucis qu'une telle entreprise engendre lorsque l'action reprend à rebrousse-poil l'orgueil d'un monde qui croit tout savoir. Ils souriaient, s'amusaient même, plaisantant et s'exclamant, dévoilant sans pudeur leur jeunesse et leur insouciance. Je me rappelais les conseils de mes guides, me prévenant des difficultés que leur état pouvait m'amener. Mais je me sentais bien, là, avec eux. Quelque chose d'eux me ressemblait. Ils semblaient heureux. J'allais, moi, Daniel, petit esprit acteur d'une vieille histoire, traverser leur vie et bousculer leurs habitudes. Ils vivaient d'air et de sang, un aspect qui n'existait plus chez moi. Eric reprit. Voici donc une des bases de ce groupe. Ces gens-là emmèneront avec eux d'autres collaborateurs que nous allons te présenter lors de l'installation de ton premier contact médiumnique. Viens, nous allons maintenant passer à la première phase de ton travail. Brusquement, et comme un claquement de fouet, nous nous retrouvâmes de nouveau dans la chambre à coucher de l'appartement de mon médium. Les voyages qu'Éric me faisait faire étaient toujours aussi brusques, mais je m'y faisais, comprenant là ce que pouvait vouloir dire le strict nécessaire dans le monde des esprits. La chambre était vide, éclairée par la lumière du jour. Je me dirigeais ensuite vers la salle à manger. Les murs qui délimitaient l'espace de cet appartement étaient flous. je pouvais, à travers ceux-ci, voir l'étendue de la spiritualité régnante. Cet endroit terrestre semblait être fait de verre, une réalité insondable pour les incarnés. Eric s'entretenait avec un esprit que je ne connaissais pas, mais qui m'inspirait le respect. Il avait un aspect angélique, avec de longs cheveux bouclés et une barbe, du moins c'est ainsi que je le percevais. Il ressemblait aux images que l'on se fait habituellement du Christ. Se tournant vers moi, Eric me fit signe de m'approcher. Près d'eux, il dit à l'esprit « Voici Daniel, l'entité devant travailler ici. » L'esprit me dévisagea, son regard me faisait presque mal, captivant, hypnotisant. S'adressant à moi, il me dit « Je me prénomme Gabriel, je suis le responsable de cette réunion. Oh, dis-je, heureux de connaître les officiants spirituels de mon travail, vous allez me seconder dans mes communications ?»« Non, pas vraiment, compte tenu que nous n'interviendrons pas directement. » Nous ne ferons qu'orienter le médium vers ta présence, un travail analogue à ce qu'avait fait Jean avant nous. Gabriel me laissa ensuite à mes réflexions, celui-ci allant à la tâche. Il rejoignit un petit groupe d'esprits aux activités bien étranges, étirant des quatre coins de la pièce des effluves fluidiques ou ectoplasmiques, en prenant soin d'éviter le centre. Puis la porte d'entrée s'ouvrit, Joël pénétrait chez lui. Après avoir ôté son manteau et ses chaussures, il se lança dans un ménage. Il ne semblait pas nous ressentir et l'assistance spirituelle qui se mouvait tout autour ne faisait pas attention à lui, continuant la préparation de l'ambiance. Curieux, je voulus me rendre compte de la sensibilité du médium. À peine ai-je eu le temps de me diriger vers lui qu'Eric m'interpella. « Daniel, laisse donc en paix cet homme. Tu auras très vite l'occasion de t'en servir. » Pour le moment, viens donc ici, je voudrais te présenter d'autres entités. Il y avait une dizaine d'esprits souriants devant moi, ils semblaient sympathiques au demeurant. Voici Sébastopol, Tardieu, David, Abigail, Malika, Denis, Michel, Raphaël et Virgile. Oh, j'étais honorée de l'attention que l'on me portait, touchée par leur bienvenue. Eric me dit « Ce sont les propagateurs et les collaborateurs du groupe d'études terrestres. Tout au long de ton travail, ils seront à tes côtés et te suivront dans ta communication. » Soudain, Eric se tut. Me retournant alors, je fus pris d'une grande émotion. Mon guide, mon frère, mon âme-sœur pénétraient dans l'appartement, accompagnés par Jean. Je m'approchai amoureusement de ces deux êtres supérieurs. Quelque chose d'indéfinissable m'indiquait que nous étions au commencement. La nuit terrestre tombait lentement et l'appartement s'allumait. Mon médium s'était assis sur le divan, regardant la télévision. Sa compagne faisait son entrée sans que rien ne puisse perturber le cours des choses spirituelles qui s'effectuaient ici. Ému, je me présentais devant les guides. Mais, avec stupeur, j'assistais à un fait inattendu. Mon guide et Jean passaient devant moi sans s'arrêter. Ce dernier m'imposa son regard, accompagné d'un sourire délicat, sans émettre une pensée, sans marquer un désir de contact. Quelle déception ! Mais enfin, ceci était l'exemple le plus poignant du fait que je ne comprenais pas toujours le sens des choses. Les regards discrets des esprits travaillant autour de cette réunion me firent comprendre que ceci n'était pas grave, que c'était normal, m'adressant des sourires et des grimaces amicales pour que je ne sois pas désolée par cette ambiance structurée où, manifestement, je ne trouvais pas ma place. Laurie s'était elle aussi lancée dans le ménage, entamant avec Joël un discours que je ne cherchais pas à comprendre, encore perturbé par la conduite de mon guide. Cet affolement rendait même incertain le sermon d'Eric qui essayait de m'expliquer que mes jugements de forme et d'intention ne pouvaient me révéler le sens absolu de la hiérarchie spirituelle et la conduite relative des esprits. Enfin, et avec persévérance, il me rassura en affirmant que seul mon manque de perspicacité était là en cause. En fait, et après analyse, j'avais perdu la concordance avec mon guide. Le voyage que j'effectuais sans lui, accompagné d'Eric, m'avait quelque peu éloigné de ses vibrations. Je ne possédais plus ce réflexe envers lui, ce don que j'avais eu tant de mal à acquérir. Le téléphone retentit. Laurie s'en approcha et répondit. Les esprits continuaient leur travail. Joël se pencha sur un cahier, lisant des écritures certainement dictées par l'esprit Jean. Tout ceci, je le comprenais sans réelle attention. Les événements m'étaient tout à coup devenus banals et ennuyeux. Je me laissais aller à l'oisiveté et au désintéressement. Je voulais les choses sans les attendre, ni même les regarder. Je désirais partir. Décidément, la conduite indifférente de mon guide m'avait perturbée et mon raisonnement logique n'y pouvait rien. Pourquoi cette baisse d'optimisme alors que je devais être au zénith de ma concentration? Lorsque je repris le fil du temps terrestre, après m'être égaré dans mon orgueil froissé, les choses étaient devenues différentes. Je percevais dans cette salle à manger une table autour de laquelle étaient assis des femmes et des hommes plongés dans la pénombre. Un tableau immobile d'où s'échappaient de longues respirations. Tous les esprits préparateurs étaient partis. Il n'y avait plus personne, si ce n'est un seul être scrutant avec sévérité une ambiance spirituelle limpide où je semblais faire tâche. C'était Gabriel. Éric, quant à lui, n'était plus là. Oh mon Dieu, je me sentis tout à coup ridicule et affolée, comme perdue dans un moment volé, un emplacement qui m'était interdit au plein milieu d'un champ de bataille exposé au feu de l'infanterie. Je voulus disparaître. Perdue dans mes ressentiments, j'avais passé sous le boisseau le rendez-vous de mes participants incarnés. Je ne les ai pas vus s'installer, se préparer, je n'ai pas pris mes dispositions, ni repéré ma place. La séance s'étalait devant moi subitement. Je devais tout comprendre de suite. Aucun être spirituel ne semblait vouloir m'aider, et le médium attendait. Quoi faire? Quoi dire? Par où commencer? Et le temps que je savais relatif, depuis combien de temps avais-je été absent? Depuis quel moment incertain faisais-je languir le monde? Gabriel, réfléchi, ne bougeait pas, et j'avais beau jeter des regards tout autour de moi, rien ni personne ne me prêtait la main. Mais était-ce donc possible d'être ainsi mis à l'épreuve? Ceci m'amène à dire que l'écoute excessive de soi-même, alors meurtrie dans la tendresse de notre volonté, bousculée par un soi intransigeant, nous obscurcit trop souvent et à tort la vérité. Nerveusement, je commençais à décrire un cercle autour de la table, cherchant le début d'un commencement. Tout était brouillon dans mon esprit. Mes souvenirs se manifestaient sans ordre. Je voulais bien faire et les choses se présentaient mal. Oppressé, allais-je tout gâcher? Non, je ne pouvais me complaire dans ce désarroi, ce sentiment caduque et sans horizon. « Allez, Daniel, me dis-je, tu dois maintenant te déverser en ton médium. » Celui-ci, en effet, était ouvert. Son énergie spirituelle s'étirait en corolle juste au-dessus de sa tête, tel un entonnoir. Je connaissais ce genre d'ouverture sans avoir jamais vu cette amplitude dans la forme. Le médium était lisse, sans aspérité fluidique, ni matière magnétique qui aurait pu me servir d'outil, de poignée, sorte de prise de force pour agir sur l'entourage physique du médium. Non, rien de tel, seulement ce tourbillon en mouvement, semblant fait de fumée parsemé de rubans bleus et de brillants argents scintillants comme les éclats d'étoiles d'un ciel au firmament. Les participants installés à ses côtés se joignaient à l'exercice, émettant des énergies fluidiques venant s'engouffrer dans l'orifice de l'ouverture médiumnique à la façon de l'eau s'écoulant vers le siphon. Ces effluves ressemblaient à des aurores boréales de toutes les couleurs, allant du bleu au marron en passant par le vert. Tous, sans exception, émettaient un fluide produisant une énergie utilisée par le médium. À ce moment précis, un esprit vint à moi et me dit « Daniel, tu remarques ici la concordance des pensées, une biologie spirituelle que l'homme ne connaît pas bien encore, mais jouant un rôle important dans les contacts médiumniques. Tes remarques sont justes, et je confirme que ces énergies produites par les participants sont enrichissantes et constituent la médiumnisation. Regarde donc cet homme-là. Son énergie traduit ses tendances, teintant ses effluves de bleu pâle. Et cette jeune femme ici, accompagnée de son frère et de sa mère, assise en retrait. On remarque bien la charge émotionnelle de leur existence et les avaries causées par leurs épreuves successives. Regarde encore ce couple, puissant en énergie spirituelle, annonçant qu'ils auront à travailler dans la recherche du vrai et du beau. Et puis les deux assistants techniques du médium, ici sa compagne et là l'initiateur du groupe. Tu comprendras que tous ont un travail à accomplir, un devoir de donation. Tu suivras une partie de leurs études, car ton travail t'amènera souvent à les côtoyer. Je pris la parole. Mais que dois-je faire? Me pencher dans cet entonnoir pour me communiquer? Non, dit l'esprit, tu dois te comporter différemment, en t'identifiant avec le médium. Tu ne remarques donc rien de particulier, une sorte de ressemblance entre vous ? Non, pas vraiment, dis-je. C'est parce que tu es trop personnel, ne remarquant que toi et ton problème. Regarde son énergie, sa teneur. Concentre-toi, essaye de percevoir son esprit et donne-moi tes impressions. En m'y penchant bien et à travers ses énergies, je visualisais son esprit, trouvant en effet une certaine analogie avec le mien, c'est-à-dire la trame de sa personnalité et de mes sympathies. Puis, l'esprit du médium m'apparut clairement dans ma ressemblance. Je fus pris d'un frisson. Ce n'était pas une ressemblance physique telle que celle existant entre deux frères, mais je savais que nous faisions partie de la même famille, non celle que l'on compte en nombre, mais que l'on appréhende avec le cœur. Alors, Virgile me dit « Vois-tu, Daniel, tu viens de découvrir la sympathie spirituelle, le pourquoi tu dois passer par cet intermédiaire plus que par un autre. Tout simplement parce qu'il t'est sympathique spirituellement et qu'instinctivement il comprendra ta pensée et rendra ton langage. Oh, ce médium qui jusqu'ici me paraissait si étranger et si commun se montrait comme une répercussion de moi sur terre, une âme sœur, me montrant sans équivoque le lien intime qui nous rend tous frères, la preuve que l'humanité est un ensemble indivisible. Je me promettais d'en parler à un moment ou à un autre de mes communications. Soudain, 8 sphères lumineuses se stabilisèrent au-dessus de l'assistance, je ne les avais pas vues arriver. Celles-ci étaient suivies par une foule d'esprits qui prirent place tout autour de moi. Avec émoi, je vis également mon guide et Jean, venu pour ma première. Je vis aussi Sébastien, accompagné par les acteurs de ma pauvre expérience. Une main se posa sur mon épaule, celle de l'esprit de ma mère, radieuse et aimante. Un geste affectueux, suivi par l'accolade de l'esprit de mon père qui nous avait rejoints, heureux de pouvoir m'accompagner dans la narration de notre histoire, témoignage d'amour et d'éternité. Il y avait tout le monde, de l'esprit connu à l'inconnu, celui que j'ai croisé. Quel monde tout à coup, une atmosphère ressemblant aux surprises d'anniversaire où, dans l'éclat soudain de la lumière, la famille vous crie son amour à coups de sourires et d'applaudissements et de larmes aussi. Le groupe Octa me faisait signe de m'approcher du médium. J'étais portée par tant d'émotions. Le médium, immobile, attendait ma semence spirituelle, le coup d'envoi d'une épopée, le fil conducteur de ma pénitence, le commencement d'un soulagement. Octa me donna les derniers conseils, attirant mon attention sur la faiblesse fluidique du médium, gaspillant son énergie dans un exercice médiumnique surchargé de préjugés. Il me conseilla de ne pas poursuivre les contacts à la moindre déconcentration ou à la moindre perturbation extérieure, disant encore de m'abstenir lorsque le médium ne serait pas à jour dans son travail d'élaboration littéraire. Il me conseilla aussi de l'inspirer lorsqu'il corrigerait les erreurs de langage engendrées par le mécanisme de l'écriture. Tant de conseils qui restaient gravés en ma conscience. Je me trouvais alors à l'horizontale au-dessus du médium. Je descendis lentement sur lui pendant qu'Octa baignait la séance d'une énergie blanche ondulatoire. Le médium m'attirait et sa proximité remplit mon être d'un formidable bien-être, ce qui me mit de suite en de bonnes dispositions. Les choses m'étaient devenues faciles, mes souvenirs défilaient devant moi tel un film qu'à loisir je pouvais faire avancer ou reculer. Je m'apercevais que tout ceci était dicté par mon cœur et mon sens du principal, réelle touche personnelle qui nous rend différents. Les goûts et les couleurs, disent certains. Dans un silence angélique, sous le regard des miens, de mes amours, de mes frères et de mes parents, devant une assistance incalculable, je tendis ma main vers le stylo posé sur le papier. Ce geste rendit fébrile le médium, cherchant à le saisir d'une manière gauche. Je pris tout de suite mes marques, levant les yeux vers mon guide, souriant et plein d'amour, je me dis en moi-même « J'y suis ». Je me mis ensuite à penser, à me souvenir de mon enfance, la maison de mes parents, l'atmosphère de cet après-midi déjà bien commencée, mon frère Sébastien jouant avec moi. Sans m'en apercevoir, le médium avait commencé à écrire ces quelques lignes. Nous étions sortis de la maison, l'après-midi était déjà bien avancé et mes parents s'occupaient à la tâche. Fin. Octa et les amis viennent de vous présenter le témoignage de Daniel. Vous aurez donc le loisir et le devoir de le propager dans la forme que vous voulez, dans une proportion qui vous regarde. mais vous voilà dépositaire d'un ouvrage de vie et l'espoir d'un esprit sympathique et aimant, trouvant à travers son écrit la force d'une pénitence et l'engouement d'un partage. Toutes les conditions étaient réunies pour ce faire, et Daniel s'est senti chez lui, avec ses sœurs et ses frères, pour ainsi se manifester. Nous espérons que votre écoute envers le spirituel ne faiblira pas. C'est un gage d'évolution et de sincérité envers votre humanité, car la vie s'ouvre aux vraies valeurs. Sachez donc être de ceux qui savent donner sans attendre en retour. Peut-être qu'un jour, nos routes se croiseront au détour d'un autre travail et pour le même objectif, Dieu. Signé Octa. Je vous adresse mes profondes pensées. Je suis bien aise de pouvoir enfin vous parler au présent, un peu ému aussi, mais heureux. Ne soyez pas trop gentil et trop respectueux à mon égard. J'ai un peu honte de mes écrits, de quelques cafouillages. Je suis déçue que vous ne soyez pas au complet pour la fin. Je ne peux vous dire si je serai encore avec vous plus tard. Mon guide reste là encore bien muet. Je vous abandonne encore une fois, et croyez-moi, rien n'est perdu. Tout continue, tout a une raison d'être. Dieu est bon et miséricordieux. Je vous aime. Signé Daniel. Daniel ne se réincarnera plus sur terre. Il est sympathique à votre famille spirituelle. Le premier objectif de cet ouvrage était la pénitence de Daniel. Un partage bien difficile, car vous ne pourrez faire prévaloir tout ce qu'il vous a apporté. Vous n'en donnerez que l'écorce, vous aurez consommé le fruit, et c'est ce que voulait Daniel, c'est sa volonté. À vous l'onctueux, aux autres le littéraire. Soyez heureux et reconnaissants. Daniel s'éloigne vers une autre sphère. Les années passées ensemble ne sont pour lui que quelques minutes. Bon courage, vous serez bien inspiré, et n'oubliez pas, vous avez reçu le principal, le plus beau. La suite ne se mesurera pas en quantité. Daniel n'est pas un auteur, mais un esprit courageux et bien pensant. Nous vous laissons à vos études en vous adressant à tous notre amour. Gabriel, Sébastopol, ainsi que Virgile. Les trois derniers messages que vous venez de lire nous ont été écrits à la fin de l'ouvrage pour nous expliquer que c'était fini. Fin. Nous espérons que vous aurez pris du plaisir à lire cet ouvrage, et si vous souhaitez en savoir plus sur l'IFRES, vous pouvez nous retrouver par internet sur le site http://www.ifres.org ou nous écrire à l'adresse suivante ifres@ifres.org. Entre parenthèses, IFRES s'écrit IFRES et signifie Institut français de recherche et d'expérimentation spirite. Fin.